OGB, Luxen, Cascamé, Rof D, Vitry Sevran, Orly, Villiers le Bel Torcé, à toutes les banlieues, à toutes les provinces. Love is everything. I was born in a gutter, trying to reach up for the stars. Remember, love is everything, together we can go far. I was born in a gutter, trying to reach up for the stars. Remember, love is everything, together we can go far. J'ai jamais vu les tours, les cités comme notre fierté. Kamikaze, tranquille, fais pas l'apologie du crime. Moi plutôt mental, Che Guevara. Descendu sur terre comme Bob, chanter la justice. Rappeur, rappeleur, cultive le souvenir et la souffrance de mes ancêtres. L'oublier c'est mourir. Frère, nous sommes en patte, la chaîne alimentaire. Zoom avec les démons que l'État lui-même a créé. J'appelle les miens à cesser ces homicides, fratricides. Je les appelle à écouter leur expression la plus élevée. Nous, unis, c'est le cauchemar de Babylone. C'est utopique, mais c'est la seule sortie. Petit, on t'a menti sur la marche à suivre. Le combat est complexe, cérébral et difficile. Kamikaze, celui qui éduque et divertit. Luxen, Rof D pour la triade fan. I was born in a gutter, trying to reach up for the stars. Remember, love is everything, together we can go far. I was born in a gutter, trying to reach up for the stars. Remember, love is everything, together we can go far. Trouver un sens à sa vie, car elle n'est pas un film. Sa fille, son fils affirme à l'heure où tu frimes. Ta mère pleure, ta mère souffre pour toi. Toi tu te plains, fils, oublie pas grâce à qui t'as un toit. Frère, que veux-tu vraiment dans ta vie? Être un schlag dans la famine ou fonder une famille? Car y'a trop de peine, trop de haine, trop de misère. My man, sois un bonhomme, fais honneur à ton père. Pense à lui qui pour toi a serré la ceinture. Même riche, sois humble et modeste car les doigts sont durs. Et toi Sista, dis-moi, que fais-tu tes journées? Trouve un pigeon qui va t'aimer, que tu vas dépouiller. Non, tu vaux mieux que ça, fais pas la michto. Y'a pas de mérite à donner son boule pour un resto. Pense à ta vie, donc sois femme et sois forte. Garde la foi, ça t'aidera à défoncer les portes. I was born in a gutter, trying to reach up for the stars. Remember love is everything, together we can go far. I was born in a gutter, trying to reach up for the stars. Remember love is everything, together we can go far. Mes racines, tant bien que mal, font pousser l'arbre de l'espoir, rosé par les larmes de tout un peuple en désespoir. Je viens de là où les quatre saisons sont sèches, contrôle pour très peu d'antisèches. Là on donne un arc avec des pierres en guise de flèche. On garde la pêche, laisse tes ennuis hors de la cité. Va-toi du quotidien, si mon flemme t'aime à perpétuité. Ta vie, faut l'habituer, la survie t'as su appliquer. La zermie t'as pas évité, ta gamberge l'a même excité. Enfant d'immigrés, j'ai connu une nostalgie du bled. Les appels au secours, qui répondent par des à l'aide. Mon but, devenir moi-même, réussir à ce que j'aime. Faire profiter les miens et faire rêver la femme que j'aime. Fermé entre quatre murs, je m'évade dans l'écriture. Mes enfants ne font que renforcer mon African armure. OGB, mafia africaine sur l'album de Luxen. Accompagné Cascami, Rof D, champion nos peines. I was born in a gutter, trying to reach up for the stars. Remember love is everything, together we can go far. I was born in a gutter, trying to reach up for the stars. Remember love is everything, together we can go far. All that I can remember, that Jah is by your side. So don't give up the fight, everything gon' be alright. Just realize that Jah is the light of your life. Realize, brother, come again and then I tell you no lies. Try and you gon' feel your love, so try, try. We don't want no more cries, so try, try. See this out now, cause Kami Luxen and Rof D, now the tune is real tight. I was born in a gutter, trying to reach up for the stars. Remember love is everything, together we can go far. I was born in a gutter, trying to reach up for the stars. Remember love is everything, together we can go far.